Today, we are going to talk about the walking meditation in more detail. At meditation retreats, yogis practice mindfulness in four different postures. They practice mindfulness when walking, when standing, when sitting, and when lying down. They must sustain mindfulness at all times in whatever position they are in. The primary posture for mindfulness meditation is sitting with legs crossed. But because the human body cannot tolerate this position for many hours without changing, we alternate periods of sitting meditation with periods of walking meditation. Aujourd'hui, nous allons parler de la méditation en marche de façon plus détaillée. Lorsqu'on participe à une retraite de méditation, le yogi devra pratiquer l'attention dans quatre différentes postures. Il pratique l'attention lorsqu'il marche, lorsqu'ils se tiennent debout, lorsqu'ils sont assis et lorsqu'ils sont allongés. Ils doivent essayer de maintenir l'attention tout le temps dans quelque position qu'ils se trouvent. L'objet, la posture de base pour l'attention, c'est la posture assise. Le méditant est assis, jambes croisées. Mais comme il n'est pas possible au corps humain de rester assis pendant de longues heures sans changer de posture, il est d'usage d'alterner les périodes de méditation assise avec des périodes de méditation en marche. Comme la méditation en marche est très importante, je voudrais vous expliquer sa nature, sa signification et les bénéfices que vous êtes en droit d'espérer de cette pratique. Nous allons donc maintenant parler plus précisément de la méditation en marche. Si vous êtes un débutant, il est possible que le professeur vous demande d'être attentif à un seul mouvement lorsque vous pratiquez la marche. Vous devrez observer le fait de marcher, tout en faisant mentalement la note « marcher, marcher, marcher » ou encore « gauche, droite ». Gauche, droite. Vous pouvez ralentir un peu l'allure lorsque vous pratiquez ainsi. Après quelques heures ou éventuellement un ou deux jours de méditation, vous recevrez de nouvelles instructions. Le professeur va vous demander d'être attentif à deux événements, marcher et déposer le pied. Vous ferez la note mentale, marcher, déposer. Marcher, déposer. Vous devrez vous efforcer d'être attentif à ces deux phases du pas. Marcher, déposer. Marcher, déposer. Après quelque temps, vous recevrez encore d'autres instructions. Il vous sera demandé de décomposer le pas en trois phases. Lever le pied, avancer et déposer le pied. Après un certain temps, on va vous demander d'être attentif à quatre mouvements. Lever le pied, avancer, déposer et toucher ou presser le pied sur le sol. On va vous demander d'être attentif de façon très précise et de faire chaque fois la note mentale au moment où vous faites ces différents mouvements. Lever, avancer, déposer, presser. Au début, il est possible que vous n'arriviez pas facilement à ralentir votre allure. Mais comme on vous demande d'être attentif de façon très précise à chacun de ces mouvements impliqués lorsque vous marchez, vous allez observer très attentivement et automatiquement, vous allez ralentir votre allure. Il n'est pas nécessaire de délibérément décider de ralentir son allure. Mais si vous observez très attentivement, comme cela vous est demandé, vous allez automatiquement ralentir l'allure. Lorsqu'on conduit sur l'autoroute, il est possible qu'on fasse du 60, du 70 ou éventuellement du 80 à l'heure. Mais si on roule à cette vitesse, il ne sera pas possible de lire les panneaux. Si on veut pouvoir lire les panneaux, il sera nécessaire de ralentir son allure. Personne ne vous oblige à ralentir l'allure, personne ne vous demande de ralentir, mais le chauffeur va automatiquement ralentir pour pouvoir lire les panneaux. C'est la même chose en méditation. Si le méditant veut vraiment observer attentivement les mouvements du pas, lever, avancer, abaisser, presser, il va automatiquement ralentir son allure. Ce n'est qu'en ralentissant son allure qu'il pourra vraiment être attentif à ses différents mouvements. Mais il est possible qu'au début, même s'il est très attentif et qu'il ralentit son allure, le yogi ne soit pas en mesure de voir clairement ses différents mouvements. Ces mouvements ne vont pas lui apparaître très clairement à l'esprit. Le yogi aura l'impression que ce mouvement est continu. Mais plus sa concentration va se développer, plus il verra que ces différents mouvements sont séparés l'un de l'autre. Les quatre mouvements seront très clairement distingués. Le yogi va progressivement devenir capable de voir que le mouvement d'élévation du pied ne se fond pas dans le mouvement d'abaissement, que le mouvement d'avancement du pied ne se fond pas dans le mouvement d'abaissement, que le mouvement d'abaissement du pied ne se fond pas dans le fait de presser le pied sur le sol. Il verra, il comprendra clairement ces mouvements, il les verra de façon très distincte. Tout ce qu'il observera, il le verra très clairement. Plus le yogi pratique, plus il verra en détail. Lorsqu'il lèvera le pied, il va expérimenter la légèreté. Lorsqu'il avancera le pied, il va expérimenter le mouvement, le déplacement de son pied d'un endroit à l'autre. Lorsqu'il abaissera le pied, il va ressentir de la lourdeur, parce que le pied va devenir de plus en plus lourd, plus il s'abaisse. Et lorsque le pied touchera le sol, le yogi va ressentir le contact de son talon avec le sol. Donc, lorsque le yogi observe le mouvement d'élévation, le mouvement d'avancement, le mouvement d'abaissement et le fait de presser le pied sur le sol, il expérimente la légèreté lorsque le pied s'élève, le mouvement lorsqu'il s'avance, la lourdeur lorsqu'il s'abaisse et la dureté ou la douceur lorsque le pied touche le sol. Si le yogi est en mesure d'expérimenter tout cela, il perçoit en fait les quatre éléments principaux. En pali, on dit les dhatus. Ces quatre éléments essentiels sont l'élément terre, l'élément eau, l'élément feu et l'élément air. Si donc le yogi observe attentivement les quatre phases du pas lors de la marche, il perçoit les quatre éléments, il les perçoit de façon authentique, il comprend qu'il s'agit de la réalité ultime, ce ne sont plus des concepts pour lui. Voyons un peu plus en détail les caractéristiques des éléments que le méditant expérimente lorsqu'il pratique la marche. Lorsqu'il observe le mouvement d'élévation du pied, le yogi va expérimenter la légèreté. Lorsqu'il expérimente la légèreté, il expérimente en fait l'élément feu. Un des aspects de l'élément feu, c'est de rendre les choses plus légères. Lorsque les choses deviennent légères, elles s'élèvent. Lorsqu'il perçoit la légèreté, au moment où son pied s'élève, le yogi réalise l'essence de l'élément feu. Mais lorsque son pied s'élève et qu'il observe ce mouvement d'élévation, le méditant va également expérimenter du mouvement. Le mouvement est un des aspects de l'élément air. Mais dans ce cas-ci, c'est l'élément de légèreté, l'élément feu, qui domine. On peut donc dire que dans le mouvement d'élévation du pied, l'élément feu est dominant, l'élément air est secondaire. Ces deux éléments seront donc perçus par le yogi s'il observe attentivement le mouvement d'élévation du pied. Le mouvement suivant, c'est le mouvement d'avancement du pied. Lorsque le pied s'avance, l'élément qui domine, c'est l'élément air, car le mouvement est une des caractéristiques principales de l'élément air. Lorsque donc le yogi observe attentivement le mouvement d'avancement du pied pendant la marche, il expérimente, il perçoit en fait l'essence de l'élément air. Le mouvement suivant, c'est l'abaissement du pied. Lorsque le yogi abaisse son pied, il ressent une espèce de lourdeur. La lourdeur est la caractéristique de l'élément eau. Le fait de couler goutte à goutte ou de suinter est également une caractéristique de l'élément eau. Lorsque donc le yogi ressent de la lourdeur au niveau du pied, il réalise en fait l'élément eau. Et lorsque son pied va presser sur le sol, le yogi va ressentir de la dureté ou de la douceur au niveau du pied. Cette dureté ou cette douceur sont la nature de l'élément air. S'il observe très attentivement au moment où son pied presse sur le sol, le yogi percevra en fait la nature de l'élément terre. On voit donc que lorsqu'il observe ne fût-ce qu'un seul pas, le yogi peut expérimenter beaucoup de choses. Il peut percevoir les quatre éléments et la nature de ces quatre éléments. Mais pour y arriver, il faut obligatoirement pratiquer. Le yogi va poursuivre sa pratique de la méditation en marche et il réalisera bientôt qu'à chaque mouvement, il y a immédiatement après la conscience de ce mouvement. Il y a le mouvement d'élévation du pied et immédiatement après la conscience de ce mouvement d'élévation du pied. L'instant d'après, il y a le mouvement vers l'avant et la conscience de ce mouvement vers l'avant. Et ainsi de suite. Il comprend que ces deux choses forment une paire, l'esprit et la matière. Le yogi comprend ainsi qu'il y a non seulement différents mouvements du pied, mais également différents moments de conscience. Ces différents moments de conscience sont appelés en pali nama, l'esprit, et les différents mouvements du pied sont appelés en pali rupa, la matière. Le yogi développe ainsi sa perception que les choses se manifestent toujours en paire, que l'esprit et la matière se suivent sans arrêt à chaque moment d'observation. Mais tout ceci, il ne peut le réaliser que s'il observe très attentivement. Une autre chose que les yogis vont découvrir lorsqu'ils pratiquent, c'est le rôle de l'intention. L'intention qui va affecter tous les mouvements. Le yogi va petit à petit réaliser que s'ils lèvent leurs pieds, c'est parce qu'ils veulent le faire. S'ils avancent le pied, c'est parce qu'ils veulent le faire. S'ils abaissent le pied, c'est parce qu'ils veulent le faire. S'ils pressent le pied sur le sol, c'est parce qu'ils veulent le faire. Ils réalisent ainsi qu'il y a chaque fois une intention qui précède le mouvement. Lorsque l'intention de lever le pied apparaît, le mouvement d'élévation se produit. Le yogi comprend la conditionnalité. Il comprend le caractère conditionné de tous ces événements. Ces mouvements ne se produisent pas d'eux-mêmes sans condition. Ils ne sont pas créés par une déité ou par une autorité quelconque. Ces mouvements ne se produisent jamais sans cause. Il y a une cause ou une condition pour que ces mouvements aient lieu. Et cette condition, c'est l'intention qui précède chaque fois le mouvement. C'est encore une autre découverte que le yogi fera s'il observe attentivement. S'il observe attentivement les différentes phases du pas, le yogi va également voir les apparitions et disparitions des phénomènes. Si sa méditation est puissante, il est possible qu'il voie les apparitions et disparitions des phénomènes. Il pourra alors décider par lui-même que les phénomènes qu'il observe sont impermanents. De cette façon, le yogi verra qu'il y a tout d'abord le mouvement d'avancement du pied, immédiatement après la conscience de ce mouvement. Cette séquence va disparaître et laisser place à la séquence suivante, c'est-à-dire le mouvement d'avancement et la conscience du mouvement d'avancement. Ces mouvements, il les voit apparaître et disparaître, apparaître et disparaître, et le yogi comprend par expérience directe qu'il n'y a aucune autorité qui décide de quoi que ce soit. Il accepte ceci parce qu'il l'a vu, il l'a expérimenté directement par lui-même. Il n'a pas besoin d'une autorité extérieure qui le lui apprendrait. Il en a fait l'expérience directe. Lorsque le yogi voit que l'esprit et la matière n'en finissent pas d'apparaître et de disparaître, il comprend que l'esprit et la matière sont impermanents. Lorsqu'il réalise donc que l'esprit et la matière sont impermanents, ils comprennent, par voie de conséquence, qu'ils sont également insatisfaisants, car ils se sentent oppressés par ces constantes apparitions et disparitions. Ayant compris l'impermanence et le caractère insatisfaisant des choses, le yogi peut également réaliser à ce stade qu'il n'a aucun contrôle sur ces choses. Il comprend qu'il n'y a aucune entité permanente, aucune âme à l'intérieur de lui qui pourrait obliger ces phénomènes à durer, à être permanents. Les choses apparaissent et disparaissent tout simplement selon des lois qui leur sont propres. En comprenant ceci, le yogi comprend la troisième caractéristique des phénomènes conditionnés, appelée en pali anatta. C'est la caractéristique selon laquelle les choses n'ont pas d'ego, sont insubstantielles. Une des significations de anatta, c'est que les choses sont incontrôlables. Ceci veut dire qu'il n'y a rien, aucune entité, aucune âme, aucune puissance qui aurait le contrôle de ces choses. Le yogi aura ainsi compris les trois caractéristiques de tous les phénomènes conditionnés, l'impermanence, l'insatisfaction et le caractère incontrôlable des choses, en pali, anicca, dukkha et anatta. Avant de pratiquer la méditation en marche, le yogi pourrait croire que le fait de marcher ne consiste qu'en un seul mouvement. Mais lorsque sa méditation se sera développée et qu'il aura observé ce mouvement, il pourra constater qu'il y a au moins quatre mouvements. Et s'il observe encore plus attentivement, de façon encore plus pénétrante, il verra que même un seul de ces mouvements consiste en fait en une série de phénomènes extrêmement nombreux. Il verra les namas et les rupas, l'esprit et la matière, apparaître et disparaître. Il comprendra que namas et rupas sont impermanentes. D'ordinaire, avec l'œil ordinaire, nous ne sommes pas en mesure de voir l'impermanence des choses parce que l'impermanence est voilée par l'illusion de la continuité. Nous pensons qu'il n'y a qu'un seul mouvement continu. Mais si nous observons de façon plus pénétrante, nous pourrons voir qu'il s'agit là d'une illusion et que cette illusion peut être brisée. Elle peut être brisée grâce à une observation directe des phénomènes physiques, segment, par la vision de leur apparition et de leur disparition. La valeur de la méditation réside dans la capacité à se débarrasser de l'illusion de la continuité et à découvrir la véritable nature de l'impermanence. Les yogis pourront découvrir la nature de l'impermanence directement par eux-mêmes grâce à leur propre effort. Lorsqu'ils réalisent que les choses sont faites de segments, lorsqu'ils réalisent que ces choses apparaissent par segments successifs, l'un après l'autre, le yogi comprend qu'il n'y a rien qui mérite que l'on s'y attache dans le monde. Il n'y a rien qui mérite d'être désiré. Lorsque l'on voit que la chose à laquelle nous étions très attachés et que nous pensions être très belle a des failles, que cette chose est constamment en train de se désintégrer, on perd l'intérêt pour cette chose. Par exemple, si on voit une belle peinture sur une toile, nous pensons que cette peinture est solide, qu'elle est belle, qu'elle forme un tout cohérent. Mais si nous devions placer ce tableau sous un microscope, nous verrions qu'elle n'est pas solide, qu'il y a beaucoup d'espace vide. Si on voit que cette peinture est surtout composée d'espace vide, on va perdre toute espèce d'intérêt pour elle, on cessera d'y être attaché. La physique moderne connaît bien tout cela. Les scientifiques ont observé avec des instruments très puissants la matière et ils ont vu que cette matière n'était qu'une vibration de particules, une énergie en perpétuel changement. Il n'y a rien de substantiel à l'intérieur de tout cela. En réalisant ainsi le caractère impermanent des choses, le yogi comprend qu'il n'y a rien dans le monde qui mérite d'être désiré. Il n'y a rien qui mérite qu'on s'y attache. Nous comprenons maintenant pourquoi nous méditons. Nous pratiquons la méditation parce que nous voulons éliminer l'attachement et le désir pour les objets. C'est en comprenant les trois caractéristiques de l'existence, l'impermanence, l'insatisfaction et la nature insubstantielle des choses que nous pourrons éradiquer le désir. Nous voulons éradiquer le désir parce que nous ne voulons plus souffrir. Tant qu'il y aura du désir et de l'attachement, il y aura souffrance. Si nous voulons ne plus souffrir, nous devons éliminer le désir et l'attachement. Nous devons comprendre que tout n'est jamais que esprit et matière en train d'apparaître et de disparaître. Nous devons comprendre que les choses sont insubstantielles. Dès que nous aurons réalisé cela, nous serons en mesure d'éliminer l'attachement pour les choses. Tant que nous n'aurons pas réalisé cela, nous aurons beau lire des livres, écouter des enseignements ou parler à propos du détachement, nous ne serons pas en mesure de nous débarrasser de l'attachement. Il faut obligatoirement avoir l'expérience directe du caractère conditionné des choses, du fait que les choses, les phénomènes conditionnés sont tous marqués par ces trois caractéristiques. Organ meditation can help us gain insight into the nature of things, and we should practice it as diligently as we practice sitting meditation or any other kind of meditation. Nous devons donc être très attentifs lorsque nous pratiquons la marche, aussi attentifs que lorsque nous pratiquons en posture assise ou en posture allongée. Je ne veux pas dire ici que seule la méditation en marche peut nous donner la réalisation ultime, peut nous permettre d'éliminer entièrement l'attachement. Mais cette pratique est aussi valable que la méditation en posture assise ou que n'importe quelle autre méditation vipassana. La méditation en marche va amener un développement spirituel. Elle est aussi puissante que l'attention au va-et-vient du souffle ou que l'attention au mouvement de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. C'est un outil très efficace qui va nous permettre d'éliminer les impuretés mentales. La méditation en marche peut développer la vision pénétrante de la véritable nature des choses. Elle doit être pratiquée de façon diligente, tout comme nous pratiquons en posture assise ou n'importe quelle autre sorte de méditation.